la jalousie est-elle le cadet de nos soucis? Honnêtement, ça nous simplifierait la vie. Mais si certains médisent, tandis que d'autres nous divisent, nous on s'amuse tandis que ces mêmes s'enlisent. L'amitié. Parfois je me lève et je me dis qu'elle fait pas partie de la réalité. Mais un regard autour de moi me montre que je me suis trompé. Elle est si fine et fragile et pourtant d'une nécessité absolue. Quand tu vis dans une ère où la violence est accrue, où l'on rit de toi lorsqu'on arrive à te mettre à nu, tu es dégoûté. Il faut que tu parles, il faut quelqu'un pour t'écouter. Sans après se moquer, les gens sont bloqués, toqués. Quand ils comprennent pas, ils veulent casser. Il faut oser passer au-delà de l'image donnée, le côté que les gens aiment cacher. Mais c'est dur, on a peur de l'inconnu et de tout ce dont on n'est pas sûr. C'est si agréable de découvrir le sale caractère de la galerie. Aujourd'hui, moi ça me fait rire. Tu veux être con, mais qui protège ton blason? À force de faire la pute, on te prendra par le fion, laissé pour mort. Seul avec ta grande gueule, le pire de cela, ce n'est pas ta gueule, c'est que tu sois seul. Tu as trop fait de tort et c'est le prix à payer. T'es pas un génie. Si je dis Mustapha trois fois de toi, je n'aurais pas un béni. Encore moins un Grammy, t'as voulu être béni. Au lieu de ça, tu te retrouves banni et scellé à l'extrême. Seul auditoire, t'es blasphème, t'es blabla. Moi, pas ne veux pas, non, surtout pas finir comme toi. Voilà pourquoi j'ai une armada que j'arbore. Qu'on mène drapeau sur tous les bords, écrasant les mutineries à bâbord comme à tribord. Hein. Sur son bateau que l'on gueule le plus fort. On ne veut pas faire de tort pour les juges. Je ne suis qu'un petit voyou, je m'en bats les fous. J'ai mes amis, je vis pour eux et le reste, je m'en fous. Yann sait quand le hip hop est sincère. La jalousie est-elle cadet de nos soucis? Honnêtement, ça nous simplifierait la vie. Mais si certains médisent, tandis que d'autres nous divisent, nous on s'amuse tandis que ces mêmes s'enlisent. Si la haine et la jalousie est-elle cadet de nos soucis? Oh, oh, oh, oh. Pour moi, pas d'amitié, sans confiance. Pour moi, pas d'amitié si tu ne suis pas ma cadence. Aujourd'hui, j'ai des potes qui sont devenus pour moi des frères. Des frères qui m'ont couvert grave dans certaines galères. Maintenant, s'est installée entre nous une complicité. Jamais on balançait comme on balance aux policiers. Mon amitié, je suis dur, réservé et très méfiant. Je sais que les trahisons, les traites des balances, y'en a partout. Y'en a qui font leur business et le reste, ils s'en foutent. Depuis que mon frère est béton, je vois les choses autrement. Si toi, tu tiens bon, nous ici, on pètera pas les plombs. Dieu dirige la messe, donc jamais je ne me confesse. Mais les chauds, pas les boules, ne sois pas vexé, on pense à toi, messe. J'ai failli perdre la tête pour une histoire de fesses. Mais laisse, mon business est dans la musique, ça presse. Tu le sais, aujourd'hui, il faut qu'on remplisse les caisses. Quand tu sortiras, ce sera fini ces histoires de tèche. Je veux que tu me regardes dans les yeux, que tu me dises, de ma vie, je progresse. Je repense à nos délires, je repense à nos crises de rire. Je repense à nos projets et à tout ce qu'on a fait. On dit que c'est les imbéciles, ne change pas. Et toi, t'es parti, et j'espère que tu changeras, mon Renoir. Mon frère, t'as subi la loi des commères. Jésus crie au secours, je n'irai pas à son secours. Mais toi, si tu cries, je te donnerai tout mon amour. Yann sait quand le hip hop est sincère. Oh, Yann sait le vent tous nos vers. Oh, si la haine et la jalousie est-elle cadet nos soucis, honnêtement, ça nous simplifierait la vie. Mais si certains médisent, tandis que d'autres nous divisent, nous on s'amuse tandis que ces mêmes s'enlisent. Ouais, ouais, ceci est pour mes potes qui sont devenus mes frères. Cette chanson est pour toi, James, Raoul, Bobo, Patson, Sien Puy Family, New Style Family, Philo La Malice, Tribal James, Intense Prod, Commanda, Case et La Vasco, La Clinique, La Loi Civique, Pousse, dis-moi pas, à la vie, à la mort, Elia.